Octave Mirbeau. La mort du père Duguay. À Monsieur Émile Zola. D'abord, ça l'a pris dans le ventre. Il n'y a pas tant seulement 8 jours. Mon Dieu, tenez, c'était le jeudi de l'autre semaine. Déclic, ça y tordait les bouillots. Et il allait. Il n'arrêtait point d'aller. Il mangeait quasiment rien. Une petite poire le matin, un morceau de fromage le soir. Alors, il s'accouchait. Et il a eu une fièvre. Jésus-Dieu, une fièvre. Il guerdillait. Le médecin tâtait le pouls du malade d'un air grave. Il ne s'est pas plaint de la tête ? Demanda-t-il. Ah, malheur ! Si, et s'en plaint, et faux. Pas de délire ? S'il vous plaît. Il n'a pas eu de délire ? Je crois pas. Il en a rien dit. Vous venez peut-être voir son yo. Sans réponse, le médecin souleva les couvertures du lit et, à plusieurs reprises, appuya fortement sa main contre le ventre du père Duguay, qui, couché sur le dos, la bouche ouverte, ne remuait pas et de temps en temps poussait une plainte étouffée, puis il hocha la tête et se mit à écrire une ordonnance. « Vous lui donnerez une cuillère à bouche de cette potion toutes les demi-heures, » recommanda-t-il à la mère Duguay qui le reconduisait jusqu'à la porte. Pendant qu'il détachait la longe de son cheval et la roulait soigneusement en paquet, « Quoi que vous pensez ?» interrogea-t-elle. « Je crains bien qu'il ne passe pas la nuit, » répondit-il. « Cette nuit même ? Ainsi, voyez-vous ça ? Si c'est Dieu possible ?» « Allons, au revoir, » dit le médecin en remontant dans son cabriolet. « Les chemins sont rudement mauvais par chez vous. » Et la voiture s'éloigna en dansant sur les ressauts de la route, glissant dans les ornières d'où la boue giclait. Demeurée seule, la mère Duguay, d'une main se grattant le nez, de l'autre ramenant sur la hanche le bas de son tablier, réfléchit un instant, puis elle se décida à traverser le petit verger qui attenait à la maison, à l'extrémité duquel, derrière la haie, entre les pommiers, on apercevait une masure couverte de chaume. Elle est là. « La garnière ! Hé ! La garnière ! Hé !» Au bout de quelque temps, on entendit un bruit traînant de sabots, et une vieille femme se montra à travers les branches. « C'est-y après-mai que t'en as ? » cria-t-elle. « Oui, c'est apprêté, la garnière. Je suis toute seule à la maison. Ma fille n'est point encore arrivée de la ville. Mon fille est dans le bois, a cuit des champignons. Il faut que t'ailles chez le pharmacien, porter ce papier. Et puis, chez monsieur le curé, pour y dire de venir bien vite. Ah, quand le bon Dieu !» Et qu'est-ce qu'il a dit, le médecin ? Il a rien dit. A dit seulement qu'il passerait point la nuit. Oh, Vierge Marie ! En v'là une histoire. J'ai une idée que c'est les mauvaises fièvres, comme défend mon homme. Et puis, là, j'y tout. Y est point ton jeune Péduguet. Et les deux femmes, que toutes les commères du hameau de Frelemont étaient venues rejoindre, se mirent à causer et à se raconter des aventures miraculeuses de maladies et de médecins. Le père Duguay avait 72 ans, un âge qu'atteignent rarement les paysans, harassés qu'ils sont par la besogne, brisés par les fatigues, épuisés par les nourritures insuffisantes, en un climat presque toujours pluvieux et froid comme l'est celui de Normandie. Je le rencontrais quelquefois quand il allait chauffer son vieux dos sur les routes au soleil, ou bien encore quand il descendait à la ville le vendredi pour se faire raser et acheter sa bouteille d'eau-de-vie. Il marchait péniblement, sa haute taille courbée en arc vers le sol, se soutenant avec un long bâton de cornouiller qu'il avait lui-même, il y a plus de 20 ans, coupé dans une haie. Nos conversations étaient toujours les mêmes. « Un beau temps, père Duguay. Ça pourrait bien changer. Le vent n'a point viré dans le bon sens. Ou bien un chien de temps, père Duguay. Ça pourrait bien se lever. Le vent est haut. » Les jours de grande gaieté, quand il avait son coup de raide, il ne manquait jamais de me dire, non sans une pointe de malice en ses petits yeux clignotants, « J'en vu un gros yeuvre la nuit. Il s'est levé, là, dans la plante, tout contre la maison. Bien sûr que vous le trouvez dans les betteraves à Maître Pitot. » Hormis cette débauche rare de confidence, le père Duguay restait silencieux et songeur, comme sont les vieux chiens, comme sont les vieux hommes des campagnes. Dans sa jeunesse, on lui proposa, sans qu'il lui en coûtât un sou, de lui apprendre l'état de boucher, un bel état et qui rapporte gros. Il refusa net. « Père en fille, dit-il, j'en étais dans la terre, et mais tout seront dans la terre. » Son ambition eût été de louer une petite ferme, mais il n'y fallait pas songer, car il manquait de garantie, et il ne possédait point d'argent pour acquérir l'outillage nécessaire. Il se résigna donc à être un simple ouvrier des champs. Laborieux, dur à la fatigue, économe, honnête et sobre, l'ouvrage lui venait tout seul. Le fléau en main et battant le blé sur l'aire chantante des granges, émondant les arbres, charroyant le fumier, labourant, semant, il se trouvait heureux et ne demandait rien à Dieu, sinon que cela continuât ainsi toute la vie. Le bon temps, surtout, c'était l'époque des moissons, quand la faux emmaillotée de paille et le javelier tout neuf sur l'épaule, il partait faire son août dans la Beauce, d'où il rapportait des poignées d'écus et de belles pistoles. Après avoir longtemps réfléchi, hésité, pesé le pour et le contre, il se maria. Bien sûr, ce n'était pas pour la bêtise. Il s'était passé des femelles jusqu'ici, il s'en passerait bien encore. Non, ça ne le tourmentait pas, même ça l'embêtait plutôt. Mais il avait besoin d'une ménagère qui lava son linge, raccommoda ses affaires, prépara la soupe. Et puis, une femme, quand elle sait s'arranger, qu'elle est vaillante et point gauche, au lieu de coûter de l'argent, en rapporte au contraire. Le tout est d'avoir la main heureuse et de ne pas tomber sur des mijaurées et des pas grand-chose, comme il y en a tant au jour d'aujourd'hui. Il choisit une grosse fille, vigoureuse et dégourdie, et franche ainsi qu'un cœur de chêne, et il vint s'installer avec elle au hameau de Frelemont, dans une petite maison qu'il loua, jardin et verger compris, 70 francs par an. La maisonnette se composait de 2 pièces et d'un cellier. De beaux espaliers en garnissaient la façade. Le jardin donnait autant de légumes qu'il en fallait, et les pommes du verger, dans les bonnes années, suffisaient à la provision de cidre. Que pouvait-il rêver de mieux? Il eut aussi 2 enfants, un garçon et une fille, qu'il envoya, l'âge venu, à l'école, parce qu'il comprenait que dans le temps présent, il était indispensable de posséder de l'instruction. Pendant qu'il travaillait d'un côté, sa femme allait en journée de l'autre, faire la lessive, coudre, frotter chez des particuliers, ou bien aider à la cuisine au moment de presse dans les auberges de la ville. Elle acquit à cela une véritable célébrité de cuisinière, et bientôt on ne parla plus d'une noce dans le pays qu'elle ne fût chargée d'en combiner et d'en exécuter les plantureux repas. Fameuse aubaine, car ces jours-là, c'était une pièce de 4 francs, en plus de la bonne nourriture et des rigolades que son corsage avenant et ses grosses joues fermes et rieuses lui valaient de la part des jeunes gens. Duguay était bien jaloux de ce que sa femme s'amusa dans les noces. surtout de ce qu'elle se régala de poules à l'huile et de veaux à l'oseille, alors que lui se contentait de soupe aux pommes de terre et de fromage. Mais il ne disait rien à cause des 4 francs. L'homme et la femme ne se voyaient donc presque jamais, occupés qu'ils étaient chacun de son côté, et ils n'éprouvaient à cela aucun chagrin, aucun besoin, tant cette situation leur semblait naturelle, tant ils croyaient qu'elle était la règle commune de la vie. Le dimanche, ils se trouvaient quelquefois réunis, mais dès qu'ils avaient supputé les gains de la semaine, ils ne se parlaient plus. Non qu'ils se boudassent, c'est qu'en vérité, ils n'avaient rien à se dire. Duguay profitait de ce repos pour tailler ses espaliers, bêcher son jardin, remettre une tuile au toit, une planche neuve à la porte, casser du bois, et la Duguette s'en allait commérer dans le village. En dehors du dimanche, elle se réservait le jeudi pour savonner ses affaires, celles de son homme et des enfants qu'elle confiait au retour de l'école à la garde d'une voisine. L'existence eût coulé pour Duguay, toujours pareil, et il eût vieilli heureux si une cruelle déception, un grand malheur, n'était venue lui mettre au cœur une amertume qui avait empoisonné toute sa vie. Son beau-père habitait à une quinzaine de lieues de Frôlemont un village qu'on appelait Le Jarrier. Depuis son mariage, Duguay ne l'avait pas revu et il ne s'inquiétait pas plus du bonhomme que de l'empereur de Russie. Il apprit même avec une suprême indifférence que le vieux était souvent malade et qu'il avait parfois des attaques si terribles, des coups de sang, que le curé jugea à plusieurs reprises qu'il devait l'administrer. Duguay disait à ce propos « Il peut ben trépasser si ça y fait plaisir, je l'empêche en point !» Il avait décidé qu'il n'irait pas à l'enterrement, ni lui ni sa femme, parce que 15 lieues, c'est loin, et que ça coûte gros de voiture. La vérité, c'est que le gendre était parfaitement convaincu que le beau-père ne possédait pas tant seulement un radis. Par conséquent, peu lui importait qu'il vécût ou qu'il mourût. Un matin, Duguay reçut une lettre du notaire qui lui annonçait que l'état du beau-père était désespéré et l'engageait à arriver au plus vite. Son étonnement fut profond. Comment il se serait trompé à ce point-là? Comment le beau-père, qui passait pour être plus pauvre que Job, serait maintenant plus riche que défunt Crésus? Ah, ça, par exemple, c'était trop fort! Pourtant, il ne pouvait y avoir de doute là-dessus. Si un personnage aussi considérable qu'un notaire daignait lui écrire à lui, simple Duguay, ce n'était pas pour des prunes, et l'héritage devait être quelque chose d'extraordinaire. Il se fit lire et relire la lettre. « S'il y avait rien, dit-il, voyons, s'il y avait rien, le notaire n'écrirait rien. C'est clair, c'est évident, faut partir. » Il loua une carriole et un cheval, car il s'agissait d'aller bon train et de ne pas flâner. Durant la route, il s'affermissait davantage dans son raisonnement et comptait par avance les écus du bonhomme. « Il y a bien sûr 1300 écus, tête puce, répétait-il, en tapant sur le cheval avec le manche du fouet. « Tête 400. Sans ça, le notaire ne m'aurait point marqué ça dans une lettre. « Peut-être 500. » Quand il eut dépassé les premières maisons du jarrier, quelqu'un qui serait venu lui dire que le beau-père laissait moins de 1000 écus aurait probablement été reçu à coups de trique. En descendant de la carriole, le cœur lui battait bien fort, et la maison du beau-père, chaumière misérable et croulante, lui apparut plus splendide que tous les palais des contes de fées. Duguay en demeura quelques instants ébloui. Un noyer qui secouait ses feuilles jaunies dans la brise lui donna la sensation délicieuse de beaux louis d'or carillonnant, s'entrechoquant et s'éparpillant sur lui en averses magnifiques. Il entra. Mais sur le seuil, il faillit tomber à la renverse. Le beau-père était là, debout, vivant, et qui mangeait de la soupe dans une terrine de grès. La surprise, l'indignation retenaient du guet cloué à cette place. Il ne pouvait plus ni entrer ni sortir. Anéanti, il était semblable à l'avare à qui l'on vient de voler un trésor. Il bégaya. « Comment ? Vous n'êtes point mort ? Vous n'êtes point mort ?»« Point corps, mon gars. Point corps, » répondit le beau-père, sans se déranger et en continuant de manger sa soupe, avec une majestueuse lenteur. « C'est ben, je m'en vas. » Du Guet remonta dans la carriole. « sacré rosse ! Sacré carne !» Il fouettait le cheval à bras raccourcis, juré, sacré, tempêté. « Ah, la sacrée rosse ! Ah, la sacrée carne !» On ne savait si c'était au cheval que ces épithètes s'adressaient, ou bien au beau-père. Vraisemblablement, dans l'état de fureur où se trouvait du Guet, elle s'adressait aux deux. Le cheval arriva, fourbu à Frôlemont, et creva le lendemain. « En v'là pour une coupe de 10 pistoles !» se dit du Guet. Et il se consola en pensant que le beau-père finirait bien par crever lui aussi. Cet incident n'avait pas ébranlé sa confiance. Au contraire, chaque jour qui s'écoulait voyait s'augmenter l'héritage de 100 écus. « T'es bête, mon homme !» disait la Duguette. « Et t'as tôt ! Oui, t'as tôt de monter la tête comme ça. Je crois bien que c'est le meilleur que j'avions cru. Mais des 2000 écus, comme tu dis, où est-ce qu'il aurait pris cet argent-là, le vieux Grigou ?»« On ne sait point ! On ne sait point !» répondait l'obstiné Duguet. Il en était à 3000 écus quand il reçut une seconde lettre du notaire. « Ce coup-ci, c'est le bon !» s'écria le gendre joyeux. « Enfin, c'est point malheureux. Il est mort, ben mort !» En effet, la lettre annonçait que le beau-père était bien définitivement mort et qu'il n'y avait à craindre aucune résurrection. Du Guet loua un nouveau cheval, une nouvelle carriole, et partit de nouveau pour le Jarrier sans se presser, s'arrêtant à tous les bouchons de la route, interpellant drôlement tous les gens qu'il rencontrait. « Na, ma cocotte ! Oh, oh, ma biche ! » disait-il à son cheval, d'une voix attendrie. Puis il s'adressait directement à son beau-père, le tutoyait. Il se sentait pour lui une immense affection. Sacré beau-père, c'était point un mauvais homme, tout de même. Ah, le pauvre bonhomme! En ce moment, il n'eut point donné l'héritage pour 5000 écus. Quand le père du Guet vous contait cette terrible aventure, il avait coutume de s'interrompre à cette partie de son récit, et, les yeux hagards, la bouche frémissante de colère, il vous demandait « Savez-vous ben ce qu'il y avait à l'héritage ?» « Savez-vous ben ? Ah, malheur ! Y avait en tout 58 francs et des sous, et là-dessus, il fallait payer l'enterrement, le notaire, l'enregistrement, le diable, c'est quoi ?»« Mais comment cela s'est-il terminé ?»« Eh ben, j'ai eu la fièvre 2 mois durant, et puis j'ai voulu faire un procès à ce menteur de notaire, et puis, à la fin des fins, j'en refusais l'héritage pour faire une niche au bonhomme. » « Et puis, ça m'a coûté plus de 1300 francs. Oui, plus de 1300 francs. Bon sang de bon sang !» Il n'avait pas été heureux non plus du côté de Zéphan. Et pourtant, il avait dépensé ben de l'argent pour leur instruction. Ah, comme il s'en repentait maintenant! Oui, il aurait dû faire comme tant d'autres, ne pas les envoyer à l'école, les durcir tout de suite à l'ouvrage. Il n'en serait pas mort, bien sûr, et cela eût peut-être mieux valu, car peut-être son garçon et sa fille n'eussent point aussi mal tourné. Duguay rêvait de faire de son garçon, du petit gars Isidore, un cultivateur, non pas un ouvrier comme lui, mais un fermier pour de bon. D'ailleurs, il ne pouvait comprendre qu'on pût choisir un autre métier que la terre quand on était né père en fille dans la terre. C'était un testament d'honneur, un héritage de noblesse qu'il eût été criminel de répudier. Il ne manquait pas de feignants pour les autres métiers. Aussi, son chagrin fut-il profond et grand son désappointement quand Isidore exprima sa volonté bien arrêtée d'entrer en condition d'être domestique comme Monsieur Baptiste, le valet de pied du château, un homme superbe qui éblouissait tout le monde avec ses beaux habits galonnés et sa culotte de nankin plus jaune que du beurre. Qui donc avait bien pu fourrer dans la tête de son fils des idées pareilles? Il commença d'abord par le sermonner, essaya de lui expliquer ce que c'était que la terre, promit qu'il aurait une ferme conséquente comme les touches à Mepiteau. Puis Isidore, criant toujours qu'il voulait être comme Monsieur Baptiste, il finit par lui administrer une volée de coups de poing. Au bout d'une année de bourrade, entremêlée de discussions théoriques et de promesses folles, devant une vocation qui ne cédait pas au raisonnement et s'exaltait au cou, Duguay consentit à ce que son fils entrât groom au château sous la direction du superbe Monsieur Baptiste. Domestique. Son fils domestique. Elle était finie, cette longue file d'ancêtres aux mains calleuses, au dos voûté, qui était né de la terre, qui avait peiné sur la terre, qui dormait dans la terre, honoré des hommes qu'ils avaient nourris, béni de Dieu dont ils avaient continué l'œuvre de création. Ce lui fut une blessure cruelle, mais son orgueil d'entêté terrien se révolta, et il ordonna qu'on ne lui parlât plus jamais de son fils. Cependant, peu à peu, son chagrin prit un caractère moins dramatique, et la colère se changea en indifférence gouailleuse. En ricanant, il appelait son fils « le marquis ». Et quand la Duguette recevait une lettre de lui, c'était un thème à plaisanterie qui ne tarissait pas. Après 10 ans d'absence, Isidore, ballotté d'une place dans l'autre, paraissait s'être définitivement établi chez un banquier où les gages étaient très forts et les bonnes mains très grasses. Il était tout à fait formé, portait la livrée avec une aisance supérieure, montrait à la ville des élégances de dandy, se tenait soigneusement au courant de toutes les anecdotes parisiennes, fréquentait ce qu'il y a de mieux dans le grand monde des domestiques. Jugeant le nom d'Isidore trop commun pour le valet de chambre d'un banquier, il avait prié son maître de lui attribuer celui beaucoup plus distingué de Justin. À l'office, on disait « Monsieur Justin ». Monsieur Justin éprouva le besoin de venir passer quelques jours au pays afin d'y étaler le luxe de ses jaquettes, de ses chaînes de montre et de ses souliers vernis. Il voulait jouir de l'étonnement de ses pauvres compatriotes, de la curiosité et du respect que ne manquerait pas de susciter parmi tous ces paysans ahuris la correction de sa tenue. Il fit une malle de ce qu'il possédait de plus précieux en cravate, gilet, pantalon, et partit pour Frôlemont. Le père Duguay, ses outils sur l'épaule, revenait de la besogne journalière quand la voiture qui amenait Monsieur Justin de la gare s'arrêta devant la maison. Monsieur Justin en descendit prestement et s'avança vers son père en souriant. Mais Duguay, d'un geste, empêcha l'effusion du retour. Il examina son fils des pieds à la tête avec un air de souverain mépris, Puis il dit froidement, « J'avons point besoin de domestique, mon gars. Je vis donc ben nous pas tout seul. » Il lui tourna les talons et lui ferma la porte au nez. « Si ça ne fait pas pitié, » disait plus tard le père Duguet, « figurez-vous qu'il avait des souliers pointus, le marquis, pointus quasiment comme la queue de notre couchon, et un chapeau qui reluisait plus que le Saint-Sacrement. » Quant à sa fille, ça avait été une autre histoire, et c'était à se demander vraiment ce que le diable avait bien pu mettre dans le corps de ces deux méchants enfants. La Fanchette passait, sans contredit, pour la plus belle fille de la contrée. Un visage avenant, rouge comme une pomme et toujours gai, des membres solides, des yeux hardis, et avec cela, active au travail, dure au plaisir, elle n'avait point sa pareille pour émoustiller les gars. Les galants ne lui manquaient point, et parmi eux, des lurons qui possédaient du beau bien au soleil. Aucune de Frôlement, de la Boulet Blanche, des Pâtis, du Bois Clair, des Quatre Fétus, de Boissy Maugis ne pouvait se vanter de voir à ses trousses une telle procession d'yeux ronds, de bouches béantes, de bras en extase. Il y avait surtout le garçon à Ahmed Pitot qui ne quittait pas Fanchette d'une semelle, et le garçon à Ahmed Pitot, voilà qui eût été une fameuse affaire. Duguet ne se dissimulait pas toutes les difficultés qui s'opposaient à ce mariage, mais il comptait sur l'adresse de sa fille pour les surmonter. Il l'espérait secrètement qu'elle saurait, au besoin, se faire faire un enfant par ce nigaud de garçon à Ahmed Pitot, et Fanchette, une fois emplie, le tour était bon. Il faudrait, de gré ou de force, en passer par monsieur le maire et par monsieur le curé. Combinaison honnête, après tout, puisqu'on devait se marier et vivre ensuite entre braves cultivateurs. Certes, il n'eût point admis que Fanchette fît la bêtise pour la bêtise. Seulement, puisqu'il s'agissait d'être sérieux et d'aller à l'église, personne ne pouvait trouver à redire à ça. Un dimanche, la Fanchette déclara qu'elle voulait s'accorder avec François Béhu. Duguet aurait reçu toute une charretée de foin sur la tête qu'il n'eût pas été plus dûment assommé. « Ah, la sacrée femelle ! » s'écria-t-il à cette révélation inattendue. « Ainsi, c'est tout comme le marquis. T'as honte d'être dans la terre ? Il te faut des gars de la ville. François Béhu ? Non, mais regardez mais ça ! François Béhu, un homme qui est seulement pas du pays ! Un propre harin qui ne sait seulement point reconnaître la veste d'Avelchianve, un feignant qui travaille dans une fabrique, qu'a des moustaches, que l'épousera point, t'entends ben, que l'épousera point. Je vous dis, moi, répondit Fanchette, je vous dis que je l'épouserai. Il me plaît, na, c'est mon idée. Je l'épouserai, et puis je l'épouserai, et puis n'avez que faire de gueuler comme ça. Parce que je me fous de vous. Ah, tu te fous de mes, Matine ? Ah, tu te fous de mes ? Eh ben, attends ! Duguet avait les deux bras levés pour frapper. Fanchette, les poings sur les hanches, provocante, les yeux colère, regarda son père bien en face. Vous pouvez me battre, espèce de grand brutal, dit-elle. Vous n'empêcherez rien. Et puis que vous voulez tout savoir, je suis enceinte, na ! Enceinte de lit, oui, oui. Enceinte de François Béhu. Et s'avançant, le col tendu, elle lui crachait ce nom tout près dans la figure. Étourdi comme par un coup de massue, cinglé par ce nom comme par un fouet à 100 lanières, Duguet recula en chancelant et laissa retomber ses bras le long du corps dans un grand geste d'accablement. Il ne comprenait plus. Ses idées sur la justice, la morale, la religion étaient bouleversées, au point qu'il n'y démêlait plus rien. Pourtant, dans son trouble, une espérance lui restait. Fanchette s'était peut-être trompée. Il balbutia. « T'es sûr que c'est de lit ? Rappelle-t'es ! T'es ben sûr que ce n'est pas du garçon à mettre pitot ?» La Fanchette haussa les épaules. « Vous me prenez donc pour une sale. Voudriez-vous peut-être que j'ai couché avec tout le monde ?» Non, certainement, il ne le voulait pas. Mais le garçon à mettre pitot n'était pas tout le monde, sapristi. Puisqu'elle avait tant fait de coucher avec quelqu'un, pourquoi n'avoir pas choisi celui-là, un brave et honnête homme, qui possédait de la religion et une ferme superbe? Jamais, non, jamais, on ne lui ferait admettre pareille chose. Ainsi, c'était donc fini. Des beaux rêves qu'il avait formés pour l'établissement de ses enfants, aucun ne devait se réaliser. Tous les deux, le garçon et la fille, déshonoraient son nom, l'un en récurant les pots de chambre des nobles, l'autre en s'amourachant d'un méchant gars venu on ne sait d'où, passant son temps dans les fabriques à faire on ne sait quoi. Un joli monsieur qu'il aurait pour gendre, ivrogne, débauché, prodigue, républicain, cela va sans dire, comme sont les ouvriers des usines. Ah, cela lui promettait de l'agrément. D'ailleurs, n'avait-il pas des moustaches, ce François Béhu? Et les moustaches, tout était là. De même que les paysans de sa race, adorateurs des habitudes anciennes, gardiens sévères des traditions, Duguay haïssait les gens, cultivateurs et ouvriers, qui portaient moustache. La moustache, pour lui, représentait la révolte, la paresse, le partage social, toutes les aspirations sacrilèges qui souffle des grandes villes sur les campagnes, tout un ordre de choses effroyables et nouvelles auxquelles il ne pouvait penser sans que ses cheveux se dressassent d'horreur sur sa tête. Le vice, le crime, les révolutions, ce qui l'inquiétait quand il avait le temps de songer, lui apparaissait sous la forme symbolique de moustaches hérissées terriblement. Et c'était juste, car depuis qu'il existait, ce qu'il avait vu à Frôlemont et ailleurs, d'insoumis à la terre, de mauvais sujets, de braconniers dangereux, de voleurs et d'hommes vivant en concubinage, tous avaient des moustaches, comme François Béhu. Enfin, de même qu'il avait cédé aux fantaisies d'Isidore, il ne s'opposa pas à ce que Fanchette épousât le moustachu, disant pour se consoler que les coups qu'elle recevrait, ce ne serait pas lui, bien sûr, qui les sentirait. La noce fut célébrée assez gaiement. Il y eut les violons, et la Duguette confectionna un repas succulent où chacun se grisa de cidre bouché et de poiré. Maintenant, le bonhomme était vieux. Ses cheveux avaient blanchi sur sa figure rouge et ravinée par les rides. Son grand corps maigre, jadis si robuste, se cassait en deux et s'inclinait de plus en plus vers la terre. La force abandonnait ses membres qui tremblaient sous le moindre fardeau, s'épuisait à la moindre fatigue. Il dut se résigner à quitter le travail. Le soir qu'il revint, pour la dernière fois, avant de remiser au fond du cellier ses outils désormais inutiles, le père Duguay alla dans le jardin, d'où l'on apercevait, par-dessus la haie d'épines taillées, les champs qui s'étendaient au loin. Sous le ciel crépusculaire, les champs s'endormaient, toujours forts, toujours beaux. La sève battait en eux comme bat le sang aux veines des jeunes gens. Et longtemps il contempla cette terre, la terre bien-aimée, la terre triomphante, la terre que la neige des hivers ne refroidit jamais, que ne dévore jamais l'incendie des étés, qui renaît toujours plus splendide de ses éternels enfantements, sur laquelle les hommes, les idées et les siècles passent sans y laisser la trace de leurs querelles, de leurs avortements, de leurs ruines, la terre où bientôt il reposerait ses bras, devenus trop faibles pour l'étreindre, où il coucherait ses reins, devenus trop vieux pour la féconder. Les blés remuaient doucement, froissant leurs chaumes, les avoines pâlissaient, ondulaient, pareilles à la brume légère qui monte des prairies, les trèfles qu'un reste de lumière frisante accrochait saignaient par places, et dans la rougeur du couchant, les pommiers tordaient leurs chevelures fantastiques ou montraient leurs profils grimaçants de sorcières. Une femme passa qui chassait sa vache à coups de gaule. Il entendit le piétinement d'un troupeau de moutons qui rentrait à la bergerie. Puis une voix lente qui s'éloignait, chantonnant. Et pour la première fois de sa vie, le père Duguay pleura. Sa femme et lui avaient, sou par sou, amassé 400 francs de rente, sans compter les profits de la Duguette, qui continuait d'aller en journée et qui, plus que jamais, était demandée pour les repas de noces. Avec cela, on pouvait vivre à l'abri du froid et de la faim, tranquille, heureux, sans rien mendier à personne. Pourtant, le père Duguay était loin d'être heureux. D'abord, il ne sut que faire de ces journées qui lui semblaient bien longues et bien vides. Tout chose, tout vague, il errait du verger au jardin, sarclait de ci, bêchait de là, mais ce menu travail qu'il réservait autrefois à ses distractions dominicales ne suffisait pas à l'occuper pendant toute la semaine. Non, l'état de rentier n'était pas son affaire, et jamais il ne pourrait s'y habituer. S'ingéniant à se créer des besognes qui trompassent son ennui, il fabriqua une échelle, remplaça les vieilles lisses du verger par des neuves, bâtit un hangar avec des débris de bois qu'il avait, et quand ce fut fini, il se trouva tout penaud devant ce terrible problème. Que faire? Il songea alors à élever des poules et des lapins. Les poules, ça l'amuserait, il irait couper de l'herbe tous les jours pour les lapins, et le temps passerait. Comme c'était un brave homme, un travailleur méritant et qui jouissait dans le pays d'une grande réputation d'honnêteté, il eut la chance d'intéresser à son sort les maîtres du château qui l'employèrent parfois à diverses fonctions peu fatigantes, comme d'entretenir les allées, ramasser les feuilles mortes et servir de modèle à la demoiselle qui faisait de l'aquarelle. Cependant, bien que peu à peu le père Duguay eût repris des habitudes régulières, il s'ennuyait. Il avait la nostalgie des champs. Souvent, quand le temps était beau, il s'en allait à travers la campagne, revoir les camarades qui fauchaient ou qui engerbaient. Mais il rentrait de ses promenades, mécontent, avec un dégoût plus violent de son existence oisive, avec des pensées pénibles qui l'enfonçaient davantage dans les mélancolies et les regrets poignants du passé. Son caractère aussi s'aigrissait. Tout lui était sujet à dispute, à récrimination. Il devenait exigeant, tracassier, irritable, mauvaise langue. Lui qui jadis supportait si facilement les continuelles absences de sa femme, il lui en voulait maintenant de toujours courir dehors, l'accuser de l'abandonner, de s'entendre avec les enfants pour le laisser mourir. Si ce n'était pas malheureux à son âge, après avoir tant travaillé, de rester seul du matin au soir, comme un pauvre chien galeux, d'être obligé de faire sa soupe, de ne jamais manger un bon morceau, pendant que sa femme s'amusait dans les noces ou chez les pratiques, était grassement nourrie, ne manquait de rien. Et lorsqu'à midi, le bonhomme se retrouvait tristement devant l'éternelle terrine de grès, pleine de soupe, quelquefois de soupe froide de la veille, la pensée que la duguette, les yeux luisants, les joues allumées, se gavait gaiement de tripes et de fricassés, le mettait en rage, et il se disait « Ah, s'foutre ça ! Mais ça ne peut point durer ! Non, ça ne peut point durer !» Il rêvait alors de s'en aller très loin, de tout planter là, de recommencer, seul, une existence nouvelle de labeur, entrevoyait la possibilité de divorcer. Ah, pourquoi s'était-il marié ? À quoi cela lui avait-il servi de prendre une femme, sinon à l'abreuver d'ennuis et de peines ? Les jours où la mère Duguay consentait à rester à la maison, il partait dès l'aube, avec une croûte de pain en sa besace, et jusqu'à la nuit, dans la sapée, il rôdait, sous prétexte de ramasser du bois mort. Les années et les années passaient sur les trois événements importants de sa vie, la mort du beau-père, le départ de son fils, le mariage de sa fille, sans en effacer les souvenirs chagrinants, et il continuait d'en parler avec une amertume qui, chaque jour, grandissait. Le marquis, de plus en plus brillant, n'avait fait que deux courtes apparitions à Frôlemont. Quant à Mme Béhu, elle venait tous les dimanches chez son père avec le moustachu, mais à peine si le bonhomme semblait s'apercevoir de leur présence. D'ailleurs, la plupart du temps, il profitait de ses visites qui l'importunaient pour courir les champs ou se livrer à quelque occupation mystérieuse au loin. Outre qu'il gardait rancune à Fanchette d'avoir trompé ses espérances en épousant François Béhu, il ne pouvait souffrir les nouvelles allures de belle dame qu'elle avait prises à la ville. Il haussait les épaules de la voir attifée comme une caricature, sans bonnet, les cheveux au vent, un chignon relevé sur le haut de la tête, et des mèches qui s'ébouriffaient sur le front, pareilles aux poils des chiens de berger. Et c'étaient des manières de parler, grasseyantes et précieuses, des balancements étudiés du derrière, des singeries de bourgeoises qui lui faisaient pitié. Parfois, en l'honneur de sa fille, la duguette préparait un bon souper, elle tuait un poulet ou bien faisait un civet avec un lapin. Le vieux alors s'emportait, il défendait qu'on touchât à sa volaille et à ses lapins, parce que c'était à lui, rien qu'à lui, qu'il avait le mal de les soigner, qu'il voulait avoir le plaisir de les manger, tout seul, et de les vendre au marché, si c'était son idée. Ah, ce n'était pas pour lui, bien sûr, qu'on ferait tant d'embarras. Sa femme avait-elle songé une fois dans sa vie à lui fabriquer quelque chose de bon ? Ah, bien oui, ce qu'il y avait de bon, c'était pour elle et pour les autres, jamais pour lui. Il en avait assez d'être grugé par un tas de mangeux, feignants, vauriens. La Fanchette et le moustachu mangeraient de la soupe, comme lui, et si cela les dégoûtait, ils pourraient bien rester chez eux à se régaler. Il ne les empêchait pas, au contraire. Ça serait un fameux débarras. Et le père Duguay s'asseyait, bougonnant, à un coin de la table, devant sa soupe, qu'il avalait avec ostentation et qui, misérable et froide, protestait héroïquement contre la succulence du civet que les autres dévoraient en claquant de la langue. Il se couchait ensuite, menaçant de tout flanquer dehors, table et gens, si on ne se taisait pas, et si on ne le laissait pas dormir tranquille. C'était bien le moins qu'il fût le maître dans sa maison. On commençait, dans le pays, à jaser beaucoup sur le compte de Fanchette. Il paraît que ce n'était pas grand-chose de propre, et en ville, maintenant, elle avait une réputation détestable. Un jour, dans le bois Giroux, un autre jour, dans un champ de blé, La femme de Gendrin l'avait surprise avec des hommes, en train de faire autre chose que de la dentelle. Même chez elle, les galants venaient en procession l'un après l'autre, des jeunes gens, des hommes mariés, jusqu'à des messieurs. Il y avait eu des scandales, plusieurs fois l'on s'était battu, une véritable honte enfin. D'ailleurs, Fanchette ne se cachait plus, et si elle continuait de la sorte, bientôt on la verrait, pire qu'une chienne, étaler ses saletés en pleine rue. Le père du Guet apprit tous ces détails avec une joie profonde. Pourtant, il voulut douter, et prétendit d'abord que c'était des histoires de mauvaise langue, des vengeances de femmes jalouses de Fanchette, mais quand on lui eut donné des preuves irrécusables de l'abominable conduite de sa fille, son contentement ne connut plus de bornes. Ce n'était point que Fanchette s'amusât qui le rendait si bien aise. Oh non! Car avant tout, il tenait pour la morale, et il avait, sur l'honnêteté des femmes et sur la religion, des opinions très arrêtées. Mais puisque le mal existait, il pouvait bien se réjouir de ce qu'il tomba aussi à propos sur la tête de François Béhu. Il disait « C'est ben fait pour Liquin, pourquoi qu'il l'a épousé ?» Et à la pensée que le moustachu se trouvait malheureux et ridicule, qu'il pleurait peut-être, qu'il n'osait plus se montrer dans les rues, les petits yeux du vieux paysan se bridaient sous un rire cruel, atroce, sinistre. À partir de ce moment, ses allures s'adoucirent un peu vis-à-vis de sa fille qui le vengeait de François Béhu. Il daignait plaisanter avec elle, et il se surprit même, dans un élan de reconnaissance, à l'embrasser sur les deux joues, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 10 ans. Lorsque le dimanche, ils se trouvaient tous réunis, quoiqu'il fût resté intraitable sur la question de la volaille et des lapins, il causait, s'animait, racontait des histoires de cocu, cynique, obscène, et son regard méchant allait sans cesse de Fanchette toujours rieuse à Béhu, triste et soucieux. La tristesse de son gendre, qu'il n'avait remarqué que depuis qu'il connaissait ses malheurs conjugaux, lui était une douceur qui le payait de toutes ses déceptions passées. Il était impitoyable en ses plaisanteries. Celle qu'il jugeait la meilleure consistait à tâter le front du moustachu et à lui dire « Quoi donc t'as là, mon gars? On dirait qu'il te pousse quelque chose !» Et l'infortuné Béhu prit, chaque fois, à la farce du beau-père, portait machinalement les mains à son front, rougissait, roulait des yeux doux et résignés comme ceux des bœufs, tandis que le bonhomme, se tordant de rire, répétait « Quoi donc qui y pousse ?» Quoi donc qui y pousse ? Cette gaieté intermittente ne modifia en rien son caractère, qui s'affirmait de plus en plus tracassier et despotique. Un matin, le père du Guet se réveilla avec la tête lourde et de fortes douleurs au ventre. Il se leva néanmoins et, tout en geignant un peu, vaqua à ses occupations coutumières. Mais ses pauvres bras, mous comme des chiffes, refusaient de lui obéir. Ses jambes tremblaient pareilles à des roseaux battus du vent, et puis un grand froid l'envahissait. Bien qu'il se sentît très souffrant, il ne voulut rien changer à son régime, qui se composait d'une poire le matin, de la soupe à midi et de la soupe encore à 6 heures. En vain, sa femme essaya de le soigner, de lui faire prendre une nourriture meilleure. Il ne voulait entendre parler de rien. Au mot de médecin, il entra dans une colère terrible. Cependant, le mal empirait. Les douleurs de ventre devenaient plus violentes, intolérables. Sa respiration oppressée faisait un bruit de vieux soufflets percés. Sa tête lui était si pesante sur les épaules qu'il ne pouvait plus la porter droite et qu'il lui semblait que ce poids entraînait tout son corps dans un vertige. Il s'alita. Dans le lit, très haut, drapé d'indienne sombre, le père Duguay, couché sur le dos, la bouche grande ouverte, ne remuait pas. À peine si la pâleur de la mort prochaine teignait son visage bruni d'une lividité douteuse. Les deux bras, hors des couvertures, s'allongeaient inertes sur les draps de lin gris, et ses mains énormes, aux doigts noueux, presque noirs, ressemblaient aux racines d'un arbre arraché du sol par la tempête. Rien ne vivait en lui que ses yeux, ces petits yeux qui laissaient filtrer entre les paupières serrées la flamme mourante d'un regard dur et colère, comme filtre entre les lames d'une persienne un reste de jour qui agonise. Quoiqu'il ne bougeât plus et qu'il ne répondît point aux questions qu'on lui adressait, le moribond se rendait compte, très nettement, de ce qui se passait autour de lui. Il avait vu le curé s'approcher de lui tout à l'heure. Il l'avait entendu chuchoter des prières, parler de Dieu et l'exhorter à bien mourir. Il voyait, par la porte ouverte, le dernier soir tomber sur la campagne, en grandes averses d'or et de pourpre, les oiseaux se poursuivre sur les branches du hêtre et saluer, de leur roulade sonore, le De Profundis du soleil, qu'il ne contemplerait plus. Il voyait les voisines s'arrêter sur le seuil, tendre le cou, marmotter quelques paroles d'une voix basse, et s'en aller, traînant leurs sabots dans le chemin, mais tout cela ne l'intéressait pas. Isidore, en veston quadrillé, le chapeau sur la tête, épluchait les champignons qu'il avait cueillis dans le bois. Fanchette, les cheveux plus ébouriffés que jamais, tricotait, indolente, une capeline de laine noire, et la Duguette, très affairée, les manches de sa robe relevées jusqu'au coude, troussait magistralement un poulet pour le repas du soir. Il ne perdait aucun des gestes de sa femme, et son regard, le regard suprême que les mourons s'efforcent d'arracher à la terre pour le plonger au vide des éternités mystérieuses qui s'ouvrent devant eux, son regard allait de sa femme au poulet. Et voilà ce qu'il absorbait tout entier à cette heure auguste et terrible. Le poulet. Le poulet qui synthétisait les rancunes de sa vie avare et sans bonté, les amertumes de sa vieillesse égoïste et délaissée. Aucun souvenir heureux du passé, aucune terreur de l'avenir dans lequel il entrait. Ni une émotion, ni une larme, ni un repentir, ni ce besoin qu'ont les plus farouches de sentir dans leurs mains qui se glacent la douce chaleur d'une main aimée et le souffle consolateur d'une lèvre chérie sur leurs lèvres qui se referment à jamais. Il n'eut même pas une pensée pour la terre qu'il avait quittée et qu'il allait retrouver, la terre qui avait été la seule affection de sa vie et qui pouvait être le pardon de sa mort. Ne lui avait-il pas dit adieu un soir dans le jardin? Et cet adieu le séparait pour toujours de ce que son âme avait contenu de bon, de grand, d'humain. On dit que les anges viennent, les ailes déployées, au chevet des moribonds, recueillir leur dernière prière pour l'emporter aux cieux. Son ange à lui, c'était le poulet. Le poulet vorace et barbare qui lui crevait les yeux, lui mangeait le cœur, lui rongeait le foie. Il essaya de rassembler ce qui lui restait de force afin de pousser un cri de colère, mais le cri avorta dans une plainte si faible qu'à peine on l'entendit. « Donne donc une curée de potion à ton père, » dit la mère du Gué à Fanchette. « Attends dimanche que je vais mettre le poulet à la broche. » Fanchette tenta vainement d'introduire la cuillère entre les dents serrées du père du Gué, et le liquide se répandit, coula de chaque côté de la bouche, jusque dans le cou et sur la poitrine. Elle l'essuya doucement avec le coin du drap, et ensuite elle regarda son père. L'œil du vieillard qui se fixait sur elle était en ce moment si hideux et si effrayant qu'elle s'enfuit aussitôt secouée d'un frisson. La nuit arrivait. Par la porte toujours ouverte, on n'apercevait plus au-dessus des masses sombres des arbres qu'un pan de ciel limpide où déjà s'allumaient les étoiles. En rentrant chez eux, les gens s'arrêtaient devant la maison, demandaient des nouvelles, et, dans le chemin, passaient des profils vagues d'hommes et de bêtes. La chambre n'était éclairée que par la flamme de la cheminée qui faisait danser au mur et au plafond de grandes ombres fantastiques, projetées sur le lit une clarté rouge et mouvante. À plusieurs reprises, un chien jaune vint, en rampant, flairer le poulet, et la Duguette fut obligée de le chasser à coups de torchon. L'agonie commença. D'abord, ce fut un petit râle, un ronflement doux et profond, comme un ronron de chat, puis, pareil à un soufflet de forge, le bruit s'enfla, coupé de sifflements et de hoquets. Le père du Gué, allongé dans la même position, demeurait immobile. Seules ses grosses mains remuaient, se tordaient, grattaient la toile avec des mouvements crispés. Une sueur glacée ruisselait sur son visage qui se contractait et prenait des tons terreux de cadavre. Isidore et Fanchette se tenaient près du lit, et la mère du Gué allait sans cesse du chevet du mourant au poulet qu'elle arrosait du beurre grésillant de la lèche frite. Bientôt les râles s'affaiblirent, cessèrent, les mains reprirent leur immobilité. C'était fini. Le père du Gué n'avait pas bougé, et son œil, qu'il ne voyait plus, et qui conservait dans la mort son regard méchant et cruel, était fixé, démesurément agrandi, sur le poulet qui tournait au champ de la broche et se dorait au feu clair. « Il est mort, » dit la mère du Gué, après avoir posé la main sur la poitrine de son mari. « Fanchette, passe-moi le miroir, que j'y mette tout de même sous le nez. » La glace ne se ternit pas. « Il est bien mort, » répéta la mère du Gué. Isidore et Fanchette se penchèrent un peu sur le cadavre de leur père et soulevèrent, l'un après l'autre, ses bras qui retombèrent lourdement. « Oui, » dirent-ils, « il est bien mort. » Tous les trois, très embarrassés, ils restèrent, pendant quelques minutes, silencieux. « J'y croyais pas qu'il passerait si vite, » reprit la mère du Gué, hochant la tête. « Enfin, n'était point que mode, bien sûr, le père du Gué, mais ça fait tout de même du chagrin. » Et, montrant le cadavre, elle ajouta d'un ton presque respectueux. Souperons dans la pièce à côté.